seul avec tes galères, seul au bord du gouffre. Ne te jette pas en l'air juste parce que tu souffres. Dans ta vie rien n'y fait, mais ce n'est pas une raison. T'as toujours un coin de paix, un endroit sans question. Alors enfile tes grolles, ton futal et ta bécane, et va donc faire un tour du côté de tes rêves. Tu y trouveras sûrement un petit endroit calme, un coin d'herbe, un soleil où tout s'achève. Jeune, ne te fais pas de soucis si l'adversité persiste. Reste pas assis ici quand la vie te rend triste. Arrête de te taire et fais-toi une raison. Tu as juste besoin d'un peu d'air, ton nirvana, ton horizon. Prends ton envol, ton idéal et cherche ta voie. Et va donc faire un tour du côté de tes rêves. Tu trouveras sûrement, regardant au fond de toi, un coin d'herbe, un soleil où tout s'éclaire. Boy, not so wrong, let shine the sunlight when I make it you down. Thinking everything's alright. Oh, what a rooty life when shadows are by your side. Step by step, watch the stuff exploding in your mind. Rooty life, boy. Sure, you're not a toy. What a lovely life, boy. When on your face I can see joy.